Ah, mes amis, hier soir, j'ai vécu un grand moment de stress. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai participé à un vieux classique qui a récemment fêté ses 40 ans. J'ai participé aux chiffres et aux lettres. Ah. Eh ben, on dirait pas comme ça. Mais il y a des tricheurs, même à la télé. Oh, j'aurais dû me méfier. Le gars contre qui je jouais était petit avec des yeux de fennec et une bouche de lézard. C'est le pire. Et en plus, comme du vice, il avait fait des études. Bref, mieux qu'un long discours, je vous ai apporté l'enregistrement de l'émission. Vous allez vous rendre compte de l'arnaque par vous-même. À ma gauche, notre nouveau candidat s'appelle Monsieur Helmut Perchu. Monsieur Perchu, d'où venez-vous? Quelles sont vos passions? Alors, je viens de chez moi. J'aime les femmes muettes, les enfants quand ils dorment et les vieux quand ils sont morts. Parfait. À ma droite, notre champion qui joue pour une 5e victoire, Monsieur Duneux. Ça va, Monsieur Duneux? Ça va parfaitement. Duneux, les boules. Oh, la honte. Je vous en prie, Percu. Perchu, tête de gland, Perchu. On se calme, mais si on se calme, on y va avec les lettres. H, O, H, I, M, L, E, E, P. Top chrono. Monsieur Perchu. Quatre lettres, poil. Parfait. Monsieur Duneux. Neuf lettres, hémophile. Oh, bravo, monsieur Duneux. Hop, hop, hop, hop, hop. Eh, deux secondes, les gars. C'est quoi ces embrouilles? Comment ça? Ben, dire des mots qui n'existent pas. Et ma fille est parfaitement valable, Percu. Ça veut dire ne coagule pas. Qui perd tout son sang, si vous préférez, espèce d'inculte. Ah, continue comme ça, toi, tu vas voir. Si je me lève, t'auras pas le temps de coaguler avant d'être vide. Je te le dis, moi. On passe tout de suite au deuxième tirage de lettres. T, U, D, R, E, C, O, L, U. Top chrono. Monsieur Duneux. Six lettres, doutez. Pas mal, monsieur Perchu. Neuf lettres, cul de loutre. Et vous écrivez ça comment? C-U-D-L-O-U-T-R-E, cul de loutre. J'ai comme un doute, on vérifie Estelle, s'il vous plaît. C'est une honte. Désolé, cul de loutre n'existe pas en un seul mot. Analphabète. Ah, je vois le genre, on est tous contre moi. Je vais tout péter. Et comme prévu, Christophe, j'ai tout pété. Je suis super déçu. Mais déçu? Comme ces culs de l'autre n'existaient pas. Je le dis au moins 20 fois par jour. Bon, je vous laisse, je vais faire les soldes. J'ai besoin d'un nouveau costard 3 pièces. Barisé, string et cockring. Allez, au revoir.